Et nous voici à Lille aujourd'hui à l'occasion de la 23e édition du festival Cité Philo qui rassemble chaque année les meilleurs philosophes autour d'un thème. Cette année, quand dire, c'est faire. Autrement dit, la parole. La parole est son pouvoir, son impuissance parfois, sa propension au mensonge aussi, et souvent à guérir. Nous enregistrons cette semaine 4 émissions dans le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts et nous commençons sans plus attendre avec une question. Parler, est-ce agir ? Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lydia, répétez après moi. En ce jour, solennellement, je déclare. En ce jour, solennellement, je déclare. Qu'il n'existe aucun obstacle ni aucun empêchement. Qu'il n'existe aucun obstacle ni aucun empêchement. Pour que moi, Lydia, Jane, Ebot. Pour que moi, Lydia, Jane. Je ne puisse légalement être puni par le mariage. Je ne puisse légalement être uni par le mariage. À Bernard, Geoffroy, Sinjen Delany. À Bernard, Geoffroy, Sinjen Delany. J'en appelle aux personnes ici rassemblées pour qu'elles témoignent. J'en appelle aux personnes ici rassemblées pour qu'elles témoignent. Que moi, Bernard... Delany. Que moi, Bernard Delany. Je prends Lydia Jane Ebot. Je prends Lydia Jane Ebot. Pour pelouse légitime. Pour épouse légitime. Tout est faux. Tout à fait. Par Dieu Tout-Puissant, je bénis cette union au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Bravo. Bonjour François Recanati. Bonjour Adèle. Bienvenue à Lille dans l'émission Les Chemins de la Philosophie et bonjour au public lillois venu nombreux ce matin. Le public qui se manifeste. Alors je ne sais pas si d'ailleurs il applaudit à votre présence ou à l'union que nous venons d'entendre, enfin la tentation d'union. Très bon exemple que de commencer par la proclamation d'un mariage parce qu'on peut se demander par quelle magie une simple phrase « Je vous déclare mariée et femme » a-t-elle pour effet direct de proclamer et d'avoir pour conséquence directe l'union entre un homme et une femme. Est-ce que ça veut dire que le langage serait doté d'une forme de super pouvoir qui fait qu'il ne serait pas qu'une parole, mais aussi un acte ? En fait, dans le passage, je n'ai pas entendu la phrase... Je vous déclare mariée et femme. Il y avait la phrase simplement « Je bénis votre union », quelque chose comme ça. Alors disons que le prêtre, interprété par Mr. Bean, c'est un extrait de « Quatre mariages enterrements », avait quelques difficultés à prononcer cette phrase, précisément. Oui, c'est d'ailleurs un problème intéressant de savoir si ça a un peu vicié dans la procédure. En tout cas... Pour venir au thème, il y avait à une époque, les théologiens au Moyen-Âge ont beaucoup réfléchi justement à ces paroles particulières, paroles qui interviennent dans le sacrement, dans des opérations de ce genre, et dont le propre est de faire ce qu'elles disent, ou comme l'expression consacrée, ce sont des signes qui font ce qu'ils signifient. Et il y a un livre intéressant de Irène Rosier qui s'appelle « La parole efficace », qui est consacré à tous ces débats. Et donc l'idée, c'est qu'il y a effectivement une classe d'énoncés qui ont un pouvoir extraordinaire, qui est le pouvoir de créer une réalité et de, en gros, de nommer une réalité et en la nommant, de la réaliser, de l'effectuer. Un exemple, c'est « Je te baptise », donc un cas de parole sacramentelle. En disant qu'il baptise, effectivement, le locuteur baptise. Mais aussi, un exemple qui était beaucoup discuté dans cette littérature théologique, c'est quelque chose comme « Ceci est mon corps ». Ceci est mon corps, c'est un énoncé qui fait que la chose montrée est effectivement le corps du Christ. Et donc, il y a tous ces énoncés qui réalisent, qui font ce qu'ils... qui réalisent l'état de choses qu'ils décrivent. C'est ce qu'on appelle un énoncé performatif ? Oui, exactement. Donc, là, j'ai parlé de la littérature médiévale, qui vient de la philosophie et de la théologie. Ils n'employaient pas le mot performatif, mais ils avaient des noms pour ça. Je crois qu'Irène Rosier parle d'énoncé opératif et enfin elle donne un certain nombre de elle indique la terminologie qui était employée à l'époque pour parce qu'il s'agissait d'une classe particulière d'énoncé. Le mot de performatif qui vient de l'anglais de to perform qui veut dire qu'il y a une action qu'on accomplit, ça vient de Austin qui est le principal introducteur dans la philosophie contemporaine au XXe siècle de cette notion. Et un performatif pour lui, il y a en quelque sorte deux sens. Le sens le plus important, c'est précisément l'idée d'un énoncé qui décrit, c'est pas le mot qu'emploie Austin, mais se rapporte à un état de choses dans le monde, mais au lieu de cet état de choses existe, indépendamment de l'énoncé qui le décrit, c'est l'énoncé lui-même qui crée l'état de choses dont il parle. Donc un exemple, c'est par exemple « Je te baptise », le baptême advient à partir du moment où il est prononcé, mais aussi dans des cas beaucoup plus simples, si par exemple j'ai quelque chose et je vois que ça vous intéresse et tout ça, je peux vous dire « c'est à vous ». Et en disant « c'est à vous », moi qui suis le propriétaire de l'objet, je fais que, à partir du moment où je le dis, c'est à vous, effectivement. C'est là que ma parole est suffisante dans la mesure où je suis le propriétaire, où je suis donc libre de disposer de l'objet comme je veux, y compris en transférant sa propriété. Ma parole, quand je dis que c'est à vous, je fais que c'est à vous. Mais alors ça veut dire... En un sens, c'est faux, parce que cet objet-là, il est à moi, donc il n'est pas à vous. Je dis quelque chose de faux, mais par le fait de le dire, je rends vrai l'énoncé lui-même, puisque je crée la réalité à laquelle il se rapporte. Mais donc, c'est pour ça que je vous posais la question du pouvoir ou du super-pouvoir qu'a le langage sur la réalité, parce que ça veut dire que la parole, l'énoncé d'une parole, le fait de s'emparer du langage pour exprimer quelque chose, n'est pas un monde complètement distinct du monde des actions, du monde dans lequel nous vivons, et qui paraît très bien se porter sans notre parole. C'est-à-dire que les deux, en fait, se rejoignent. Oui, disons que... Il y a ces cas où, par la parole, on peut créer des réalités qui sont des réalités très, très particulières. On ne peut pas faire n'importe quoi en disant que la chose existe. On ne peut pas créer n'importe quelle chose. C'est des choses très particulières. C'est des baptêmes, des transferts de propriété. C'est des choses, disons, de type institutionnel, mais on en reparlera. Seulement, certaines réalités peuvent venir à l'être à travers simplement une déclaration qu'elles existent, en quelque sorte. Mais en même temps, la réflexion sur le fait qu'en parlant, on peut accomplir des actes ayant ce pouvoir... a permis de voir que parler, effectivement, c'est agir dans bien des cas. D'où l'idée, le livre d'Austin, dans la traduction française, s'appelle « Quand dire, c'est faire ». Il s'intéresse vraiment à ces énoncés ou performatifs, où il y a ce sens précis dont je parlais, où par cet énoncé, on crée la chose à laquelle, ou l'état de choses à laquelle l'énoncé se rapporte. Mais il y a le sens beaucoup plus général d'énoncé performatif, qui intéressait aussi Austin, et c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on parle, quand on parle en général, on fait une action. Parler, oui, ça n'est pas rien. C'est un acte social, on s'adresse à quelqu'un dans un contexte et on crée toujours quelque chose. Il y a au moins la réalité du discours qui advient à travers le discours lui-même, même si ce n'est pas forcément une réalité institutionnelle extérieure au discours. Et donc cette idée que le discours est action, c'était une idée en fait assez nouvelle dans la philosophie du langage, qui n'avait pas tellement pris ça en vue, en tout cas le type de philosophie du langage dont sont issus des gens comme John Austin au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle. C'était un philosophe du langage ordinaire. Avant lui, il y avait un autre type de philosophie qu'on appelait la philosophie du langage idéal, qui s'intéressait surtout à ces langages que les logiciens fabriquaient pour leurs propres besoins, des langages artificiels, et qui étudiaient ces langages, qui étaient pour eux des incarnations du langage, mais des incarnations plus idéales et moins imparfaites que les langues que nous parlons tous les jours. En tout cas, ils s'intéressaient au langage. Avec Austin, on s'intéresse au langage ordinaire, ce que c'est de parler dans la vie de tous les jours. Et donc la dimension importante qu'il a mise en avant, c'est cette dimension qu'on appelle pragmatique, c'est le langage comme action. Et c'est très important de voir que le langage est action, parce que ça a des répercussions sur plein de choses, y compris sur l'étude du sens ou de l'interprétation. Ce qu'on appelle la sémantique, c'est l'étude du sens ou de l'interprétation des énoncés linguistiques. Mais à partir du moment où on voit qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on fait un acte de parole... Eh bien, on voit qu'il y a une sorte de double dimension. Un énoncé, il peut être interprété au sens où on interprète, on essaie de comprendre les mots dont est fait l'énoncé, la façon dont ils sont assemblés, et le sens qui découle du fait que ce sont ces mots qui sont employés dans une certaine structure syntaxique. Donc ça, c'est une certaine interprétation de la phrase, disons, qui est prononcée. Mais il y a une autre interprétation, qui est une interprétation de l'acte qu'on accomplit en prononçant la phrase, c'est l'acte de parole. Et l'interprétation d'une action, qu'elle soit linguistique ou non, c'est quelque chose... Toute action peut être interprétée. Une action, c'est quelque chose qui a forcément un sens. Et interpréter une action, comprendre le sens de l'action, c'est simplement comprendre l'intention de celui qui agit. Si je fais quelque chose de bizarre, vous ne comprenez pas très bien ce que je fais, et vous le comprenez à partir du moment où vous identifiez mon but. Et quand on parle, c'est la même chose. C'est-à-dire que certes, on prononce des mots qui ont un sens, mais la parole en tant qu'acte a un sens aussi, car il y a une certaine intention, qui est une intention typiquement de communiquer à l'autre quelque chose. Et à partir du moment où cette intention est comprise, le sens de l'acte de parole est compris, mais c'est un sens qui n'est pas la même chose que le sens de la phrase, mais les deux s'articulent. Et à partir de la réalisation de cette dimension pragmatique de la parole comme acte, on a vu que les choses en sémantique sont beaucoup plus complexes, parce qu'il y a du sens qui vient de la phrase, mais il y a du sens qui vient de l'acte et du contexte dans lequel l'acte intervient. Alors, pour essayer de déplier les choses, parce qu'en effet, là, on est au cœur de la discussion qui nous amène ce matin à nous retrouver ici à Lille. Voilà, si on distingue, vous avez introduit le concept d'intention. Ça veut dire qu'en fait, pour parler du langage, dans la philosophie du langage, qui existe en fait depuis bien longtemps, depuis presque l'histoire de la philosophie, hein, parce que Platon s'interroge aussi sur la relation entre un mot et la réalité qu'elle désigne, ce qu'on appelle la philosophie du langage va désigner plus particulièrement l'histoire de la philosophie au XXe siècle, une certaine réaction par rapport à une philosophie qui serait trop abstraite et qu'on voudrait inscrire dans une certaine logique qu'exprime le langage, mais cette logique n'est pas suffisante pour penser le langage. Il y a aussi l'usage qui est fait du langage, l'importance du contexte dans lequel est prononcé tel mot, et, vous l'avez dit, l'intention que l'on met lorsqu'on prononce telle phrase. C'est-à-dire qu'il y a différentes facettes que l'on peut aborder pour essayer de réfléchir à la fonction même du langage. Et pour essayer d'illustrer un de ces points, et avant d'aller plus loin, François Recanati, je vous propose qu'on écoute un texte qui exprime justement cette intentionnalité. C'est le titre du livre du philosophe qu'on va entendre maintenant. Le philosophe s'appelle John Searle. L'essai s'appelle « L'essai de philosophie des états mentaux » et il prend un exemple très concret. Écoutez-le et on en parle ensuite. Pourquoi ne pouvons-nous pas déclarer « Je déclare que je fais cuire un œuf » et faire que, par là même, un œuf soit cuit? Parce qu'il y a ici transgression des capacités de la représentation. Un être surnaturel pourrait le faire, car il pourrait provoquer intentionnellement des états de choses par le seul fait de les représenter comme réalisés, ce qui n'est pas en notre pouvoir. Mais nous avons une forme plus humble, quoique divine à sa manière, de magie verbale. Nous pouvons convenir à l'avance que certains types d'actes de langage peuvent provoquer des états de choses en les représentant comme réalisés. De tels actes de langage comportent les deux directions d'ajustement à la fois, mais de façon solidaire et interdépendante. Lorsque nous les accomplissons, nous ne pouvons pas faire cuire les œufs, mais nous pouvons ajourner les séances, abdiquer, déclarer les gens unis par les liens du mariage, ou déclarer la guerre. Et c'est le philosophe Searle qui emploie justement l'expression de pouvoir du langage. Un être surnaturel pourrait faire que lorsqu'il dit cet œuf est cuit, eh bien il est vraiment cuit. Nous ne sommes pas cet être surnaturel. Alors comment définir vraiment ce pouvoir du langage dont nous parlons ce matin, François Recanati? En fait, c'est une question qui est encore largement ouverte. On constate qu'il y a des choses que l'on peut créer, comme je disais, en les nommant ou en disant qu'elles sont. Et évidemment, pas toutes les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, on peut pas dire l'œuf est cuit et que ça suffise pour cuire l'œuf. Mais il y a des réalités pour lesquelles ça marche. Donc, on constate cela. Mmh. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que le type d'acte institutionnel, de réalité institutionnelle dont il parle, dont il donne l'exemple de ajourner la séance ou ouvrir la séance, c'est vrai qu'en disant la séance est ouverte, je fais que la séance est ouverte. Je fais que la séance est ouverte, mais encore faut-il pour cela que je sois le président de séance. Et c'était une chose à quoi a fait allusion Searle en disant que nous avons en quelque sorte des conventions qui disent que, notamment, dans certaines circonstances, une personne qui a reçu le statut, disons, de président, donc il y a une certaine convention qui intervient, cette personne a ce pouvoir performatif. Si cette personne dit que la séance est ouverte, alors la séance est ouverte. Donc c'est une réalité institutionnelle qui dépend, dit-il, de certaines conventions et de certains statuts sociaux conventionnels qui sont attribués à certaines personnes. Donc il y a ce système de conventions, ce système institutionnel qui permet de réaliser certaines choses en disant qu'elles existent. Cependant, il n'est pas certain que ce soit l'unique forme de réalité qui est cette capacité de venir à l'être à travers le langage qui porte sur elle. Et un exemple qui vient immédiatement à l'esprit, en tout cas à mon esprit, mais c'est peut-être pas évident, c'est plutôt une subtilité, c'est dans ce domaine même des actes de parole. Reprenons le cas du président qui ouvre la séance. Le président dit « la séance est ouverte ». Il réussit à faire que la séance est ouverte, mais uniquement parce qu'il est le président. Si le pompier de service qui est là pour vérifier la sécurité, à un moment pris d'un coup de folie et pensant lui-même qu'il est le président, vient à la tribune pour dire « la séance est ouverte », il n'aura pas réussi à faire que la séance soit ouverte. Donc c'est précisément ce qui montre qu'il y a cette dimension institutionnelle, conventionnelle, Et ces conditions préalables qui doivent être remplies, cet arrière-plan institutionnel qui est nécessaire pour cette efficacité du langage. Mais pensons à une autre formule que pourrait employer le président, et qui est d'ailleurs celle dont parle Searle, c'est « je déclare la séance ouverte ». Le président de séance dit « je déclare la séance ouverte », et en disant qu'il déclare la séance ouverte, effectivement, il l'ouvre. Mais le pompier de service peut dire aussi « je déclare la séance ouverte ». Et on peut comprendre, quand il dit ça, qu'il croit qu'il est le président et qu'il entend, par ce qu'il dit, ouvrir la séance parce qu'il prétend être investi des pouvoirs qui lui permettent de le faire. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le pompier de service qui dit « je déclare la séance ouverte », il ne réussit pas à ouvrir la séance parce qu'il n'est pas investi des pouvoirs. Mais quand même, l'acte de parole de déclarer la séance ouverte, il a réussi à l'accomplir. Tout le monde comprend qu'il est en train de déclarer la séance ouverte, mais que n'ayant pas les pouvoirs, ça ne suffira pas à ouvrir effectivement la séance. Alors que le président de séance, quand il dit « je déclare la séance ouverte », en fait, il accomplit deux actes, ou peut-être c'est pas vraiment deux actes, mais c'est deux aspects du même acte. D'un côté, il déclare la séance ouverte, et en déclarant la séance ouverte, comme il est le président, il l'ouvre. Mais on peut donc distinguer l'acte de déclarer la séance ouverte, qui est un acte, en quelque sorte, linguistique, qui peut être accompli par n'importe qui à partir du moment où on comprend son intention, et l'acte d'ouvrir la séance, qui est ce que devient l'acte de déclarer la séance quand cet acte est accompli dans le bon contexte, est accompli notamment par la bonne personne. Et si c'est vrai, ces actes de parole simplement linguistiques comme l'acte de déclarer la séance ouverte ou l'acte de... prenons un autre exemple qui est l'ordre. Supposons que dans un contexte institutionnel, dans un contexte par exemple à l'armée, il y a un soldat qui donne un ordre au général. Lui aussi il peut être pris d'un coup de folie, il croit que les rôles sont inversés, il croit que c'est lui le général ou je ne sais pas. Et donc il lui ordonne d'aller nettoyer les latrines. Il y a un acte qu'il a accompli. Il a accompli l'acte de donner un ordre à son général. Et c'est, je pense, une raison suffisante, je pense, de le punir, évidemment. Donc, il a fait quelque chose qui est tout à fait répréhensible. Il a accompli cet acte-là. Il y a un sens où il n'a pas vraiment donné un ordre à son général, parce qu'il n'est pas habilité à donner des ordres à son supérieur. Donc il n'y a pas eu réellement un ordre donné, si par ordre on veut dire quelque chose qui crée une obligation pour le destinataire. Le général n'a aucune obligation d'aller nettoyer les latrines. Donc il y a un sens où l'ordre est accompli, où l'ordre est donné, et un autre sens où il n'est pas donné, parce que cette notion d'ordre peut se comprendre de deux façons, soit simplement comme l'acte de parole qui exprime une certaine intention de la part du locuteur. À partir du moment où cet acte est compris comme tel par les auditeurs, on peut dire que l'acte est accompli, l'acte de parole. Mais son efficacité tient au contexte institutionnel. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de l'acte et de créer une réalité institutionnelle seulement à partir du moment où les circonstances sont appropriées sur le plan conventionnel, disons. Ce à quoi on peut rajouter, et Searle prend l'exemple de la personne qui, pour saluer, va lever son chapeau. Parce que là, vous insistez sur l'importance du contexte, sur l'importance du statut, finalement, presque social, que va jouer le président de la séance, de l'usage de la langue qu'il fait à ce moment-là. Il y a aussi comment le destinataire va recevoir le message qui est donné. Si je croise quelqu'un, que je soulève mon chapeau pour le saluer, si cette personne ne sait pas que soulever mon chapeau est un acte de salutation, je ne l'aurai pas véritablement salué, car il n'aura pas reçu et pu interpréter le message en son sens. C'est dire combien ici, la capacité, enfin le pouvoir d'interpréter un acte de langage dépend d'une multiplicité de composantes qui rend l'exercice très très difficile. C'est un euphémisme. Hein. Mais cet exemple est très intéressant, parce qu'il montre justement le niveau de l'acte proprement linguistique ou l'acte de parole, distinct de son efficacité institutionnelle. Dans le cas d'un acte comme saluer quelqu'un, la seule chose, qu'est-ce qu'il faut, effectivement, c'est la question que je pose ça, quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse dire que quelqu'un a salué quelqu'un d'autre. Pour arriver à saluer quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il soit essentiel de suivre une certaine procédure conventionnelle, par exemple de faire un certain mouvement de la tête ou soulever son chapeau, comme vous avez dit. Enfin, il y a plein de signes conventionnels pour le salut, mais ce ne sont pas vraiment des conditions nécessaires et ce ne sont pas non plus des conditions suffisantes. Ce ne sont pas des conditions suffisantes parce que, comme vous l'avez dit, si la personne à qui je m'adresse ne comprend pas ce que je suis en train de faire par ce geste, eh ben, je n'ai pas réussi à saluer cette personne. Donc c'est pas une condition suffisante de faire le geste conventionnel. Et c'est pas non plus nécessaire, parce que si je fais un geste pas conventionnel, par exemple je me gratte le nez ou je fais quelque chose de complètement bizarre, à partir du moment où, par extraordinaire, on sait pas très bien par quel miracle, mais à partir du moment où l'auditeur, la personne à qui je m'adresse, comprend que par ce geste non conventionnel, mon intention est de le saluer, à partir de là, je l'ai salué. Donc, saluer quelqu'un qui, pour ses auteurs, Searle, Austin et tout, c'est un acte de, c'est quelque chose de même nature que ces actes de parole dont il parle. Ce n'est rien d'autre que faire quelque chose, n'importe quel geste, et à travers cette chose que l'on fait, donner à reconnaître à l'autre l'intention qu'on a en faisant ce geste, typiquement de communiquer quelque chose. Mais n'est-ce pas là la fonction première du langage ? Justement, vous le dites, parce que là, ça fait 22 minutes qu'on s'interroge sur les différences d'énonciation du langage, essayer d'accorder l'importance au contexte, à la logique. Pendant longtemps, justement, le langage a été pensé comme une forme de logique et tout ce qui sortait de la logique n'était pas considéré comme étant un langage pertinent. Finalement, le but de la parole, c'est de se faire comprendre. Est-ce que ce n'est pas ça qui est finalement, la fonction première et deux, ce qui devrait être pensé et ressaisi par les philosophes qui s'intéressent au langage? Sinon, à quoi bon? C'est de la pure virtuosité d'esprit? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier le langage de son emploi, de sa fonction. Mais certains l'ont fait. Certains l'ont fait, mais en un sens, c'est aussi intéressant de dissocier l'outil, disons, et la fonction, parce que ça permet d'ouvrir certaines problématiques. Il y a des gens, par exemple, qui pensent pas que la fonction du langage, ce soit la communication. Il y a des gens qui pensent que le langage que nous avons, c'est un objet très, très spécial, avec des structures très particulières, des propriétés qu'étudient les linguistes, et ils pensent que cet objet... certes, nous l'utilisons pour communiquer, mais ils pensent que ces deux choses peuvent être dissociées. Qu'il y a la communication d'un côté et cette espèce d'objet formel, de structure formelle, d'une façon ou d'une autre implantée dans le cerveau. Et ils pensent que ces deux choses-là, peut-être, ne sont pas aussi liées qu'on le croit. Et donc, la question, simplement, est une question qui est ouverte. Mais le point important, c'est que quand on parle de la reconnaissance de l'intention, quand on dit, par exemple, dans le cas de saluer, que pour saluer, il suffit de faire quelque chose et que l'autre reconnaisse qu'on est en train de le saluer, là, c'est la seule chose qui compte. Ça, c'est vraiment l'essence de la communication. Qu'est-ce que c'est que communiquer ? Évidemment, il y a plein de formes de communication qu'on peut distinguer. Mais la forme importante, la communication humaine, ce qui se passe quand on parle aux gens ou quand on leur fait des signes, etc., c'est une forme de communication qui est vraiment spéciale, qui repose sur cette reconnaissance mutuelle, disons, des intentions. Mais si on regarde la communication comme définie par ces propriétés-là, on peut dissocier la communication du langage, au moins en ce sens... qu'on s'aperçoit tout de suite, quand on a donné cette caractérisation de la communication, que le langage n'est pas nécessaire pour communiquer. Je peux communiquer avec des gestes, c'est dans l'exemple que j'ai donné, le salut, de toute façon, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment besoin de langage pour saluer, mais même pour communiquer quelque chose, je peux faire des gestes, je peux faire des signes. C'est ce que je suis en train de faire avec l'équipe qui est technique derrière vous pendant que vous parlez pour rappeler le prochain texte. Je fais des signes, et parfois on se comprend. Signes peuvent être conventionnels, comme sont les signes linguistiques, mais ils peuvent aussi être non conventionnels. Si je vous fais, il y a un exemple de Sperber et Wilson qui est intéressant, qui est des gens qui sont dans une soirée, mais loin l'un de l'autre, et il y en a un qui veut communiquer à l'autre, qu'il est temps de s'en aller. Et il fait un geste, et le geste, c'est un geste iconique, un mouvement avec les mains qui est comme le mouvement de conduire, d'avoir un volant et de tourner le volant. Et donc ce geste évoque l'idée d'un volant, d'une idée de voiture, et à partir de cette seule évocation, l'auditeur donc placé loin, qui cherche à comprendre qu'est-ce que l'autre veut lui communiquer, et ben comprend que ça a quelque chose à voir avec la voiture, etc. Et donc comprend que ce qui est communiqué, c'est probablement qu'il est temps de partir ou quelque chose comme ça. Donc c'est un exemple où dans un bon contexte... Ça marche quand on a des codes communs. On n'a pas besoin de codes communs. Il faut pouvoir, dans certaines cultures où c'est pas en voiture qu'on partirait, par exemple, il faut quand même avoir des références. Bien entendu. Évidemment, il faut avoir tout un arrière-plan de connaissances partagées. Mais quand je dis pas besoin de codes, ça n'a pas besoin d'être des conventions spécifiques qui assignent un sens à un certain signe. Ça peut être simplement à partir du moment où l'autre repère chez vous une intention de lui communiquer quelque chose, et ça, c'est pas difficile, vous adressez à la personne en faisant des gestes, au bout d'un moment, une des hypothèses que l'autre va faire, c'est de vous chercher à lui communiquer quelque chose. À partir du moment où l'autre reconnaît que vous cherchez à lui communiquer quelque chose, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il veut me communiquer? Et n'importe quel indice que vous donneriez sera suffisant. On va prendre encore un cas particulier, on a encore beaucoup de choses à voir et beaucoup d'exemples à prendre. Corneille, cette fois-ci, Rubla dans l'acte 3 de la scène 5, Rubla est devenu Premier ministre. Et il va essayer d'expliquer la situation politique en Espagne à ce moment-là à Don Salluste, qui lui fait bien comprendre que son interlocuteur est son serviteur. Alors je vous propose qu'on entende un court extrait d'un philosophe qui s'appelle Oswald Ducrot, que vous nous présenterez ensuite François Recanetti, qui justement se sert, convoque l'exemple de Ruba pour expliquer ce qu'il est en train de dire. Donc voici le texte et ensuite Corneille. Les questions « de quel droit dis-tu cela ?» ou « pourquoi dis-tu cela ?» passent pour des questions raisonnables. Mais il se trouve, par ricochet, que ce cadre déontologique et psychologique imposé à l'acte de parole peut être mis à profit par celui qui parle ou par celui qui interprète, et utilisé pour introduire dans le discours une forme particulière d'implicite. Certains actes de parole, en effet, peuvent s'interpréter comme visant à faire admettre leur propre possibilité. Ce qu'ils sont censés alors faire entendre au destinataire, c'est que les conditions sont remplies qui les rendent eux-mêmes légitimes ou explicables. Il suffit de penser à la scène de Ruy Blas où Don Salluste, pour rappeler à Ruy Blas, devenu duc et ministre, qu'il reste néanmoins domestique, lui ordonne successivement, et d'une façon présentée comme gratuite, de fermer une fenêtre et de ramasser un mouchoir. L'héritier bavarois penche à mourir bientôt. Hier, le comte d'Arras, que vous devez connaître, me le disait au nom de l'empereur, son maître. Si monsieur l'archiduc veut soutenir son droit, la guerre éclatera. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent, Excellence ? Écoutez, le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à l'empereur que je lui tiens la tête. Pardon. Ramassez-moi mon mouchoir. Vous disiez... Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne à nos pieds et l'intérêt public demande qu'on s'oublie à toute la nation bénie qui la délie. Sauvons ce peuple, osons être grands et frappons, ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque aux fripons. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et aujourd'hui, sur les chemins de la philosophie, en compagnie de François Recanetti, philosophe du langage et professeur au Collège de France, pour inaugurer cette semaine à Lille, dans le cadre du festival Cité Philo, depuis le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, en public, cet enregistrement donc, où nous parlons aujourd'hui du pouvoir de la parole, et on s'interroge sur le fait de savoir si le fait de parler correspond à une action. Parler, est-ce agir ? Ici, dans l'exemple du Ruy Blas, François Recanetti, il semble assez évident que l'essentiel se passe quasiment hors langage. C'est lorsqu'il lui demande d'ouvrir la fenêtre et de ramasser un mouchoir que l'essentiel est dit, à savoir le rapport de force que Don Salluste veut faire sentir et peser très lourdement sur les épaules de Ruy Blas. Oui, tout à fait. Là, c'est un beau cas où cette dimension du langage comme acte apporte une couche de sens supplémentaire par rapport au sens que véhicule les énoncés. On peut dire des choses, et ce qu'on dit, il y a un certain contenu qui est communiqué, il y a le sens de l'énoncé. Mais l'énonciation, le fait qu'on le dise, ou le type d'acte de parole qu'on accomplit, signifie toutes sortes de choses aussi. Et si on ne parle pas de signification, mais simplement d'implication, quand on dit quelque chose, ce qu'on dit peut impliquer d'autres choses. Mais le fait qu'on le dise implique aussi des choses. Et ça, c'est des implications, non pas de ce qu'on dit, mais c'est des implications du fait qu'on le dise, des implications qu'on appelle pragmatiques. Et ces philosophes du langage, et Oswald Ducrot lui-même. Alors qui est Oswald Ducrot ? Oswald Ducrot est un linguiste français qui a fait des contributions très importantes à la théorie des actes de parole et en général à la pragmatique, c'est-à-dire à cette approche du langage, notamment qui fait intervenir cette dimension d'action. Lui-même avait été très influencé à la fois par les philosophes du langage ordinaire comme Austin, mais aussi par le grand linguiste français Émile Benveniste, qui, de façon, en même temps que les philosophes du langage ordinaire anglo-saxon, disons, développaient ses idées au milieu du XXe siècle, Benveniste avait des idées tout à fait semblables, et il parlait de l'énonciation, en disant qu'à côté de l'énoncé, il faut vraiment regarder l'énonciation, ce qui se passe, qui a trait à l'énonciation, et il pensait même qu'il fallait deux linguistiques. Il fallait une linguistique de l'énonciation, qu'il appelait ça la sémantique, et il opposait ça à la dimension sémiotique, la dimension du langage proprement dit, c'est-à-dire les formes, le répertoire de formes que constitue un langage. Donc c'était vraiment le même genre d'idée, et lui-même d'ailleurs avait écrit sur les énoncés performatifs et sur plein de phénomènes du même genre qui intéressaient aussi les philosophes du langage ordinaire. Et Ducrot a hérité de ça et a porté cette étude à un niveau beaucoup plus avancé, en étudiant toutes sortes de phénomènes comme la présupposition, l'argumentation dans la langue, etc. Et dans ce passage, donc, où Ducrot parle de Ruy Blas, il fait valoir que l'implicite donc, a toutes sortes de formes, mais une partie de l'implicite vient du fait que le fait que nous disions ce que nous disons, ou le fait que nous accomplissions certains actes de parole, ça implique des choses, et ce qui est impliqué ainsi par l'acte de dire s'ajoute au contenu de ce qui est dit, et c'est communiqué, parce que tout le monde peut comprendre, reconnaître que ces choses sont impliquées, surtout quand on a fait l'énoncé exprès, comme dans l'exemple de Ruy Blas. Là, c'est pas un énoncé, c'est simplement donner un ordre à l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Un ordre ne peut être efficace, l'ordre n'est censé créer une obligation pour le destinataire. Donc en donnant un ordre à quelqu'un, vous prétendez avoir le pouvoir de lui imposer une obligation. Et ça implique que vous avez une certaine relation hiérarchique vis-à-vis de lui, qui est exactement le but dans les exemples qu'on a donnés, dont Salus, précisément, l'idée c'est justement de signifier cette relation hiérarchique, de la rappeler en quelque sorte. Et c'est très déstabilisant, évidemment, dans ce cas pour l'interlocuteur. Mais donc les implications pragmatiques, ça s'ajoute aux implications ou au contenu de ce qui est dit. Et des implications pragmatiques, c'est lié aussi à une notion sur laquelle Oswald Ducrot a beaucoup écrit, mais celui qui est surtout connu pour cette idée, c'est le philosophe britannique, anglo-américain plutôt, Paul Grice. C'est l'idée que le discours ou la conversation est régi aussi par des sortes de règles, par des principes. Ducrot appelait ça des lois de discours. Et parmi les lois de discours, il y a le fait, par exemple, que si vous dites quelque chose, vous êtes censé avoir des raisons de dire ce que vous dites, avoir des sources ou avoir des informations. Vous êtes également censé, sur un sujet qui intéresse votre interlocuteur, de lui donner toutes les informations pertinentes sur ce qui l'intéresse, de ne pas lui cacher des choses très importantes. Et simplement parce qu'il y a ces lois qui régissent le discours, par le fait de dire certaines choses, vous impliquez pragmatiquement plein de choses, à savoir que ces lois sont obéies, parce que quiconque parle, tout le monde est censé respecter ces règles de la conversation, et à partir du moment donc où vous dites quelque chose, vous vous posez comme ayant respecté les règles. Je vous donne juste un exemple. Nous avons un ami commun qui a eu un accident, et donc je vais le voir à l'hôpital, et à la sortie de l'hôpital, je rencontre quelqu'un qui vient aux nouvelles, et si je dis à cette personne à propos de notre ami, il a un doigt cassé, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il avait un doigt cassé. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai laissé entendre, ou même donné à entendre ? Beaucoup plus. Mon interlocuteur peut inférer que notre ami n'a pas un œil crevé, que notre ami n'a pas une jambe arrachée, qu'il est toujours vivant, etc. Il y a plein de choses qu'on peut inférer. Pourtant, je n'ai pas dit ces choses, j'ai seulement parlé du doigt cassé. Mais étant donné la règle, ou cette loi de discours qui veut qu'on est censé donner les informations pertinentes, il est évident que le fait que je ne parle pas de l'œil crevé, que je ne parle pas du fait que l'autre serait mort, etc., suffit à conclure que l'autre n'a pas un œil crevé et qu'il n'est pas mort. Mais cette conclusion-là, qui, encore une fois, c'est quelque chose, une conclusion qui est accessible à l'auditeur à partir de l'énoncé, c'est pas quelque chose qui peut se lire dans l'énoncé lui-même, c'est une implication du fait d'avoir dit ça dans le contexte où on l'a dit. Ça, c'est une convention. En fait, ce sont comme des accords tacites qui précèdent l'utilisation que nous faisons du langage. Et quand on tient compte de ça, on se dit que le fait même de parler, de communiquer, de pouvoir exprimer des choses que nous seuls ressentons à travers un langage qui appartient à tous et qui est fait de conventions que nous n'énonçons pas, relève du miracle. C'est pas forcément des conventions. C'est vrai que dans ce genre d'exemple, On a besoin de connaître vraiment le contexte. Donc ça, c'est certain que c'est pas les mots à eux seuls qui suffisent à communiquer le message, mais le contexte joue un rôle important, notamment pour arriver à comprendre ces implications pragmatiques. Mais ces lois ou ces règles du discours ou ces maximes de la conversation, comme dit Grice, le philosophe anglo-américain dont je parlais, on peut voir ça comme des conventions, mais on peut aussi penser que c'est pas vraiment des conventions, que c'est tout comportement coopératif, c'est ce que dit Grice, il dit qu'à chaque fois qu'on a un comportement de coopération, qu'on fait quelque chose en commun, et la conversation, c'est quelque chose qu'on fait en commun, c'est une entreprise coopérative, eh ben, il y a tout un ensemble de choses qui découlent du fait que ce soit coopératif. Mmh. Et il pense que les maximes de la conversation découlent du fait que le langage, la communication est une entreprise coopérative. Donc, c'est pas forcément quelque chose de conventionnel qui, par exemple, pourrait changer d'une société à l'autre, pas forcément. Non, mais il y a un accord tacite préalable. Oui, tout à fait. Qui n'a jamais été énoncé comme tel. Quand on apprend à parler, on n'apprend pas ces énoncés absolument, tacites. Absolument. C'est pour ça que je parle presque de miracle. Oui. Et pourtant, on arrive à parler. Oui. Et on arrive à communiquer. Enfin, j'espère. Oui, parce que simplement, ces choses-là sont partagées. Nous nous attendons tous à ce que les gens à qui nous posons une question nous donnent la réponse. Il y a un certain nombre d'attentes qui sont partagées. On sait que les choses fonctionnent d'une certaine façon dans la conversation, et le fait que nous sachions tous cela permet effectivement d'extraire des énoncés qu'on nous fait beaucoup plus que ce qu'ils ne contiennent littéralement, parce que précisément l'acte de dire est régi par tout un ensemble de règles, et que donc tout, à partir du moment où quelqu'un accomplit un tel acte, on peut inférer, on peut conclure qu'un certain nombre de conditions sont satisfaites. Exactement comme ce que voulait dire Ducrot dans son exemple avec Ruy Blas. Il est difficile de réfléchir sur le langage en faisant l'économie d'une réflexion quasiment anthropologique, voire même neurologique, qui consiste à bien montrer que l'utilisation du langage s'inscrit non seulement dans un contexte, mais dans une faculté de compréhension que nous avons tous en commun. Oui, mais la faculté de compréhension dont je parlais tout à l'heure quand je disais que on interprète des actions quand on comprend le but ou l'intention de l'agent, car si un comportement naît une action, qu'à partir du moment où il y a une intention, où on le fait pour une raison, et que ce soit un acte de parole ou pas, il y a la compréhension de l'intention qui est essentielle pour comprendre l'acte. Donc ça marche aussi pour les actes de parole. Donc en ce sens-là, il y a cette dimension, effectivement. Mais c'est une dimension qui est surimposée par rapport à autre chose, qui est le contenu linguistique de l'énoncé, ce que l'énoncé veut dire linguistiquement en vertu des règles du langage. Et donc on a vraiment ces deux dimensions-là qui se mêlent, qui s'articulent, qui est le sens de l'acte, le sens de la phrase, et il y a une interaction entre les deux. Il y a une grande question qui se pose à la linguistique contemporaine, depuis que la linguistique a intégré cette dimension pragmatique, c'est de voir comment les choses s'articulent. Il y avait une conception un peu idéalisée, un peu simple, où en gros les mots ont un sens littéral. Quand vous prononcez une phrase, il y a un message qui est encodé par la phrase, vous communiquez ce message, et s'ajoute là-dessus la question du vouloir dire. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Ce que vous voulez dire n'est pas forcément la même chose que ce que veut dire votre énoncé. Et auquel cas, il y aura eu deux disciplines. Une discipline proprement linguistique qui va théoriser ce que c'est que le sens d'un énoncé, sur la base essentiellement de la grammaire, de la signification des mots dans le vocabulaire, etc. Et puis une autre entreprise qui... On regarde le vouloir dire, et ça, c'est plutôt une théorie de l'action. Et effectivement, c'est quelque chose qui ne relève pas de la linguistique proprement dite. Donc ça, c'est une façon assez simplifiée de voir les choses. Mais beaucoup de personnes pensent aussi que même pour comprendre le sens, le contenu de l'énoncé lui-même, parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas déterminées ou qui sont ambiguës dans l'énoncé, pour arriver vraiment à comprendre même le contenu de l'énoncé, on est forcé de regarder ce que veut dire le locuteur, et qu'on peut donc pas vraiment distinguer les deux d'une façon en tout cas aussi simple. Ce qui est amusant, c'est de constater que le langage qui nous est si naturel, n'est jamais aussi obscur que lorsqu'on commence à essayer d'y réfléchir. Alors je vous propose qu'on écoute un extrait de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui s'est posé la question de savoir ce que parler veut dire. C'est le titre d'un de ses livres qui paraît en 1982, voici comment il en parle. Le fait social simple, enfin, dont le sociologue doit prendre acte, enfin, que la linguiste n'ignore pas, mais disons, il le laisse de côté, comme c'est légitime quand on construit un modèle. Enfin, on construit un modèle en faisant abstraction d'un certain nombre de choses. Le fait fondamental est que les sujets sociaux peuvent, tout en étant égaux en compétences théoriques, enfin, être totalement inégaux en compétences pratiques. C'est-à-dire que dans la même situation, deux locuteurs de langue française pourront être l'un parlant, l'autre silencieux. Et le premier contribuant d'ailleurs à clouer l'autre dans le silence par le fait qu'il apparaît à l'autre, c'est le phénomène d'intimidation par exemple, il apparaît à l'autre comme détenteur d'une compétence linguistique et sociale incomparable. Bon. Alors là je viens d'employer le mot compétence qui est emprunté aux linguistes, mais je le détourne dans le sens de la sociologie. Enfin, lorsque Chomsky parle de compétence, il pense à une sorte de capacité générative infinie, enfin de produire des phrases correctes linguistiquement. Lorsque je parle de compétence linguistique, politique, en mon sens, j'entends une capacité de parler à propos, dans une situation sociale déterminée, avec des chances raisonnables d'obtenir des profits symboliques. C'est très frappant pour la différence entre les sexes. Par exemple, il y a une division du travail linguistique qui n'a jamais été décrite. Il y a des terrains sur lesquels, alors c'est très variable évidemment selon les classes sociales, etc., selon les milieux, mais cela dit, il y a une division du travail de parole, de prise de parole. Bon, c'est évident dans le domaine de la politique. Enfin, et le phénomène complémentaire de celui que j'évoquais tout à l'heure, la parole des uns étant le silence des autres, c'est le phénomène du porte-parole. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les linguistes qui parlent toujours de langue et de parole, c'était pour moi un indice de l'abstraction de leur théorie, n'ont jamais pensé au phénomène du porte-parole, qui est un phénomène, me semble-t-il, très important. Alors, quitte à prendre en compte l'usage de l'énonciation, le contexte dans lequel une phrase est prononcée, l'intention qui est mise dans cette phrase, l'attention portée au destinataire et le partage de codes communs pour pouvoir comprendre ce qui est dit, pourquoi ne pas tout simplement passer de la philosophie du langage à la sociologie du langage, François Recanati ? Oui, non, tout à fait. Bourdieu a raison de souligner cette dimension dans le cas de l'échange de parole. Si on part de Ducrot avec cette idée d'une déontologie qui fait partie, disons, de ce que c'est que parler, que n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi. Si vous affirmez quelque chose, vous devez avoir des raisons de dire ce que vous dites, etc. Donc, toutes ces sortes de règles dont je parlais et dont j'ai dit aussi que peut-être, en tout cas c'est l'idée de Grice, ça se déduit simplement de choses beaucoup plus générales au sujet de l'interaction entre plusieurs individus. Ce que nous dit ici Bourdieu, c'est qu'il y a une toute autre dimension qui intervient, c'est la dimension du pouvoir. Il y a certains sujets qui sont censés savoir ce dont ils parlent. Et donc, du coup, la parole leur est autorisée, elle devient légitime, puisqu'il y a ces règles qui disent que celui qui parle, il doit avoir le droit, disons, de parler, il doit avoir effectivement des choses à dire. Et donc ça, cette idée qu'il y a ces règles, c'est quelque chose de très très général, mais on peut ajouter qu'il y a des raisons sociales de faire des discriminations et de répartir, disons, les sujets entre ceux qui, effectivement, ont quelque chose à dire et ceux qui n'ont pas quelque chose à dire. Et ces déterminations sociales-là, c'est quelque chose, en quelque sorte, d'extérieur. Il y aurait de façon abstraite cette idée qu'il y a une déontologie du langage. Et ensuite, il y a une interprétation sociale de la déontologie du langage qui peut conduire, effectivement, à réduire au silence certains sujets ou à décrédibiliser la parole, à créer ce qu'on appelle maintenant dans la philosophie des injustices épistémiques. C'est tout à fait vrai. Et cela dit, j'aurais deux choses à dire à propos de Bourdieu. D'abord, ce qu'il dit, les linguistes s'occupent pas de la notion de porte-parole, ben non, il a tort. Déjà, à son époque, au moment de ce livre, des gens justement comme Ducrot s'intéressaient beaucoup à cette notion de porte-parole. Mais en revanche, là où il a raison, il dit ce sont des choses dont ne s'occupent pas les linguistes, les choses dont ils parlent. Et il parle notamment du genre, de la dimension genrée qui intervient éventuellement dans l'interlocution. Et c'est vrai que la théorie des actes de parole intéresse beaucoup les féministes. Et dans la philosophie féministe, il y a un usage important de la théorie des actes de parole à cause justement de ces dimensions dont parle Bourdieu dans cet extrait. Ça veut dire que, par exemple, parce que je suis une femme, je ne prendrai pas la parole de la même façon que vous, parce que vous êtes un homme. Oui. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une sorte de présupposition, de répartition de rôles, de sachant, de non-sachant, des choses de genre. C'est qu'il y a, enfin, il donne aussi l'exemple de la politique. Sachant, non-sachant, c'est pas forcément homme-femme. Ou alors les femmes sont du côté des non-sachants ? Bah, l'idée précisément, c'est qu'il y a une discrimination s'exerçant à l'encontre des femmes dans la société. C'est ça l'idée. Et qui ne serait pas uniquement assignée à des causes sociales, mais à une compétence théorique, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est des causes sociales qui font que une parole sera plus écoutée qu'une autre. Mais on voit ça dans n'importe quel séminaire où les gens posent des questions. Il y a des gens dont on attend qu'ils disent des choses intéressantes. Il y a des gens dont on attend qu'ils disent des choses pas intéressantes. Et tout ça peut être fondé dans des connaissances très particulières du contexte et parfaitement légitimes. Et l'idée de gens comme Bourdieu, mais maintenant beaucoup d'autres, et évidemment des féministes, c'est qu'il y a une attente générale stéréotypée dans la société qui assignerait moins de valeur à une parole de femme qu'à une parole d'homme. Et de sorte qu'on donne plus la parole aux hommes qu'aux femmes. Enfin, je me tourne vers le public lillois où j'observe autant de femmes que d'hommes qui poseront autant de questions que les hommes après l'émission, je l'espère. On a encore le temps, quelques minutes pour écouter un dernier son. On n'en a pas parlé, il s'appelle Dan Sperber. Vous allez écouter comment lui-même présente sa réflexion sur le langage. Ce sera suivi d'un extrait. Alors je vous le présente pas, je pense que vous allez le reconnaître, qui montre un aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui, si on pousse la question, la réflexion logique sur le langage à son extrême, peut devenir complètement absurde. Dan Sperber, et puis l'absurdité du langage en toute sa splendeur. Si notre capacité à attribuer des états mentaux est un produit de l'évolution, c'est pas étonnant d'en trouver des rudiments chez les animaux plus proches de nous. Mais c'est vraiment rudimentaire par rapport à l'espèce de virtuosité extraordinaire. Non seulement nous sommes capables de nous attribuer des états mentaux, mais je suis capable de penser que vous pensez que je pense, qu'il pense, etc., etc., qu'elle a dit que. On est capable d'empiler des représentations de représentations de représentations, mentales ou verbales, de façon extraordinaire. Et les enfants font ça à partir de leurs premières années, et nous, adultes, avec une virtuosité extraordinaire, au point qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une espèce d'accomplissement, d'exploit par rapport à toutes les capacités que révèlent les espèces vivantes sur la planète. Le feu. Les polychondres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai. Tout ça, c'est très subjectif, mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis, ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas un feu de paille, une petite brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Et grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve? Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah, alors... Au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Espérons-le pour tout le monde. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett. Et oui, vous l'aurez reconnu puisque le nom a été prononcé, la cantatrice chauve de Ionesco. Voilà, Dan Sperber le dit bien, on est capable d'empiler des représentations mentales. C'est ce qui fait que nous pouvons communiquer d'une certaine façon, qui n'est pas d'ailleurs la façon avec laquelle communiquent les animaux. Ce qu'on entend l'exemple de la cantatrice chauve, l'extrait de la cantatrice chauve, ce serait un langage qui, lui, justement, tournerait complètement à vide, qui ferait complètement fi de toutes les conventions, François Recanati ? Je pense pas. Je pense plutôt que c'est une façon d'exploiter les conventions du langage pour... faire apparaître certains ressorts, justement, ici de parce que façon, ça suit une logique, en fait, de façon comique. Oui, oui, tout à fait. Mais ça nous conduirait très loin d'analyser le passage de Ionesco, mais c'est très intéressant. En ce qui concerne Sperber, donc, ce qu'il dit, en fait, c'est... Qui est-il déjà, Dan Sperber? Dan Sperber, c'est aussi un pionnier de la pragmatique, puisqu'il est l'auteur, avec une linguiste britannique, Deirdre Wilson, l'auteur de ce qu'on appelle la théorie de la pertinence. C'est l'idée que la communication en général, le langage en particulier, tout ça doit se comprendre à la lumière de l'idée que quand vous communiquez à quelque chose, vous êtes censé dire quelque chose qui intéresse l'autre et avoir dit ça de façon à minimiser en gros l'effort que comprendre ce que vous dites demande à l'autre. Et il pense que ce principe-là permet d'expliquer énormément de choses. Mais dans le passage, ce qu'il dit, en gros, c'est un peu la même chose quand je parlais tout à l'heure de l'interprétation des actions, en disant que comprendre une action, c'est attribuer à l'autre une intention. Attribuer à l'autre une intention, c'est quelque chose qui a l'air tout simple, mais ce qu'il dit dans ce passage, c'est que c'est parce qu'on a une capacité, et ça c'est les psychologues qui étudient ça, les psychologues ont découvert que les humains possédaient une faculté particulière, une capacité particulière qu'ils appellent théorie de l'esprit, et la question se pose de savoir s'il y a d'autres animaux qui auraient des rudiments ou pas, etc. Et la théorie de l'esprit, c'est simplement la capacité que nous avons à attribuer à nos congénères des états mentaux qui sont évidemment invisibles, mais des croyances, des désirs, des intentions. Et en fait, on fait ça tout le temps. Quand on voit les gens, on n'arrête pas de supposer qu'ils croient certaines choses, qu'ils veulent certaines choses, qu'ils ont certaines intentions. Et c'est seulement parce qu'on a cette capacité-là qu'on est capable d'interpréter les actions, parce qu'on attribue des intentions, et donc le langage, parce que les actes de parole eux-mêmes reposent sur l'attribution d'intentions. Et ce que dit Sperber, c'est qu'il ne suffit pas d'attribuer des intentions, mais qu'en fait, c'est des attributions d'états mentaux portant sur des états mentaux. Donc moi, j'attribue à l'autre l'intention que... Donc déjà, j'attribue à l'autre, moi, je représente l'autre comme ayant une certaine représentation mentale, une intention. Mais si on regarde le contenu de l'intention, l'intention que j'attribue à l'autre quand il parle, c'est une intention communicative qui me vise, moi, et qui est une intention que, moi, je reconnaisse cette intention. Donc, en fait, on est effectivement dans un très grand niveau de complexité, avec des représentations qui représentent d'autres représentations, ou des états mentaux qui portent sur d'autres états mentaux, et qui peuvent même impliquer une forme de réflexivité, comme quand je dis que l'intention communicative, c'est une intention qui vise à se donner, à reconnaître elle-même à l'autre. Donc, c'est extrêmement complexe, et la raison pour laquelle on est des maîtres, on est complètement experts, dans cette activité qui consiste à interpréter autrui les actions et les paroles, ce qui rend ça possible, c'est le fait que nous avons cette faculté particulière que n'ont pas les animaux, en tout cas pas tous les animaux, et qui intéresse particulièrement Dan Sperber. Il appelle ça la capacité méta-représentationnelle. C'est la capacité d'avoir des représentations qui portent sur des représentations. Par exemple, le fait que nous, quand nous pensons à... Quand nous nous représentons un acte de communication pour essayer de le comprendre, eh ben nous attribuons au communicateur une intention qui est un autre état mental qui lui-même a un contenu. Donc parfois, on se trompe, hein, complètement. Oui, oui, et c'est très intéressant. Ça peut rendre fou, d'ailleurs, cette... C'est très intéressant d'étudier les ratés de la communication parce que c'est ça qui révèle les ressorts de la communication. Je suis contente qu'on termine avec cette idée. J'espère que ça n'aura pas été le cas aujourd'hui, François Recanati. On pourra vous écouter le 12 décembre, c'est ça, c'est la date de votre leçon inaugurale au Collège de France. Oui, tout à fait, à 18h pour ceux qui peuvent venir, et sinon, en allant sur le site du Collège de France, je crois que ce sera sans doute reproduit en direct. Enfin, pas reproduit, mais diffusé en direct. Bon, et puis peut-être que France Culture aussi diffuse ces choses-là. Peut-être, qui sait, je m'en reporterai à l'antenne à Paris, n'est-ce pas? Puisque je rappelle que nous sommes à Lille. Merci à vous, François Recanati, pour cette rencontre. Merci au public lillois, nombreux et encore présents. Avant de retrouver Géraldine Wozniak-Savoie et son journal de la philo, on se quitte en chanson, comme chaque jour. Parole, parole, vous la connaissez, cette chanson. Et bien, chaque jour de cette semaine, on déclinera une version différente. Ici, celle de Soul King. On ira où la dalle nous mène. Notre histoire, on l'écrira nous-mêmes. Elle m'a dit, c'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui, que je t'aime. Et paroles, et que des paroles. Seul patron à moi c'est Madara. Ils croyaient que j'étais mort. Ils ont dit bon débarras. Heureusement que c'est Dieu qui danse. Sinon il nous laisserait nada. Donc j'ai quitté mon village. Rêvé d'une vie juste moins minable. Moi j'ai quitté mon village. Pour plus les entendre me dire que personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Et le public lillois est en transe, debout, en train de danser pour accueillir Géraldine Wozniak-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle. Vous nous avez accompagné à Lille pour notre plus grand bonheur et c'est l'heure, comme chaque jour, de votre journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Le thème du festival Cité Philo cette année, c'est « Dire et faire ». Et vous allez, vous Géraldine, aujourd'hui nous parler de prise de parole libératrice. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, Adèle, avec votre invité, François Recanati. Depuis 2 ans, le mouvement de libération des femmes avec MeToo a pris la forme d'une libération précisément de la parole. Parler est devenu un phénomène politique, performatif, actif en tant que tel, et le témoignage de l'actrice Adèle Haenel en était la preuve ces derniers jours. C'est dans cet esprit que j'aimerais m'intéresser cette semaine à la prise de parole, pas forcément féministe, mais en tout cas féminine dans l'histoire de la philosophie, et des questions que ça soulève. Une question que je me pose de plus en plus souvent, notamment, c'est quand j'écris, quand je parle de philosophie, de philosophes, de problèmes, de concepts ou de livres qui paraissent, qu'est-ce que ça change d'être une femme pour le faire, c'est-à-dire pour dire, pour parler. Alors qu'est-ce que ça a changé jusque-là pour vous ? Alors puisque c'est moi qui parle, mais tout le monde peut y réfléchir, pour ma part, si je suis honnête, eh bien ça n'a rien changé, absolument rien changé jusque-là. Je n'ai par exemple jamais fait de dissertation ou de chronique en me disant que j'étais une femme. Même sur les théories féministes d'ailleurs. Et rien ni personne ne m'a d'ailleurs rappelé ça. Pourtant, je parle bien d'un point de vue, c'est vrai, celui d'une femme, trentenaire, blanche, même qui a grandi en Charente-Maritime, de parents séparés, caractère sociable, quoique colérique, aimant le réalisateur Jacques Tati, mais aussi le rappeur Booba. Pensez-y, vous, qui êtes-vous quand vous parlez, homme, enfant, mère, européen, amateur de Scrabble, de rillettes, je pourrais dire n'importe quoi. Voilà la question que je me pose de manière générale, ce qui est à prendre en compte quand on s'exprime, qu'est-ce qui transparaît de soi ? Quel est donc ce jeu qui parle ? Est-ce que mon sexe et mon genre sont des dimensions plus décisives, moins décisives, autant décisives que mes traits de caractère, mon milieu social, mes goûts, etc., etc. Au fond, voilà ma question, et peut-être l'êtes-vous déjà vous posé à vous-même, si ma parole n'est jamais neutre, de quoi est-elle imprégnée ? De quoi est-elle faite ? The FBI, the police, and they really meant to send me to the death chamber in order to make a point. It really didn't matter who I was, or it was that I was a very convenient figure to make a point that they would suppress any efforts at revolution and liberation. Qui venons-nous d'écouter, Géraldine ? Alors, c'est la voix d'Angela Davis. Angela Davis est née en 1944 en Alabama. Très jeune, elle est devenue une figure internationale de la lutte contre les formes de domination, proche des Black Panthers, fichée par le FBI. Au centre d'un procès retentissant sur lequel Sartre s'est lui-même exprimé, Angela Davis a aussi été professeure de philosophie. Et son concept, c'est celui de liberté, ou plus précisément, quel type de liberté avons-nous quand nous sommes dominés ? Et en écoutant sa voix, je me dis que les prises de parole révèlent ce que nous sommes, évidemment par leur sujet, leur message, par l'objet de leur déclaration, mais aussi par leur intonation, leur tremblement, leurs accents, leur tempo, leur rage sourde ou leur douceur. C'est pour ça que je voulais vous faire entendre cette voix qui parle d'elle-même, qui déborde tous les qualificatifs qu'on peut énumérer pour identifier une personne. Il y a cette chose frappante pour moi avec la prise de parole, c'est qu'elle dit quelque chose même quand on ne comprend pas le message. La parole dit parfois même plus quelque chose de quelqu'un par son flux, par sa musicalité, par le fait par exemple que je me racle la gorge en vous lisant ce texte, que par le message même. Mais que dit-elle de plus ? Eh bien je dirais, en reprenant la philosophe Carol Gilligan, mais peut-être aurez-vous un avis différent, qu'elle fait entendre une voix différente, la sienne. Au moins une voix qui s'exprime et qu'on écoute. Si on parle tout le temps, est-ce si courant au fond de prendre la parole pour faire entendre sa voix ? Et est-ce là, dans cette voix, que se joue la libération de la parole ? Et je noterai, Géraldine, et ça vous ne l'avez pas dit en vous présentant dans votre chronique, de la prise de parole, vous en avez fait votre métier, justement. Et oui, donc je me pose d'autant plus cette question-là de qui suis-je pour parler et qu'est-ce qui transparaît de moi à travers ça ? Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, à la lecture des textes, c'était Éric Herson-Macarel. L'équipe des Chemins de la philosophie, c'est Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Isis Jourda, Anaïs Isbert qui sont à Paris, Thomas Beau qui est la réalisation avec nous à Lille aujourd'hui, accompagné de Frédéric Ayrou et Stéphane Beaufils à la technique. Merci à Virginie Noël et Jean-Marc Clause de Radio France. Merci, grand merci à l'équipe de Cité Philo qui rend chaque année ses enregistrements possibles. Gilbert Glasman, Myriam Pleine Maison, Stéphane Demore et Jean Fromentin. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le pouvoir de la parole enregistrée au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc dans le cadre du Festival Cité Philo. Demain, nous serons en compagnie de Thomas Benatouille et on se posera la question de l'impuissance de la parole quand la parole ne suffit pas, et les stoïciens viendront au secours de l'écologie. Vous verrez, tout un programme. J'en profite aussi pour vous refaire une annonce, un appel. Vous êtes familier peut-être de l'émission Profession Philosophe que nous vous proposons tous les vendredis, vous passez le bac cette année. Eh bien, découvrez la nouvelle formule Apprenti Philosophe. Je vous présente le principe très rapidement. Trois profs de philo viennent en studio répondre aux questions que les futurs bacheliers se posent à propos de la philosophie. Vous qui venez de découvrir la philosophie, vous demandez peut-être à quoi elle sert, comment faire une dissertation. Qui affirme vraiment Descartes lorsqu'il écrit « Je pense donc je suis » ? Y a-t-il des auteurs plus faciles que d'autres ? Et comment définir l'amour, la nature, le langage ? Toutes ces notions qui sont au programme et que vous avez si peu de temps pour assimiler, pour participer c'est très simple, vous nous appelez et vous nous posez directement votre question au 01 56 40 45 08. Anaïs Isbert sera au bout du fil pour vous guider. Les questions seront enregistrées et peut-être diffusées au cours de l'émission. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.